Radiomatic. Thousands of hundreds of years, man has braved the harshest oceans in the search for lunch. you got the Jesus of Nazareth. I'm not here right now. You know me. I'm out doing my holy shit and whatnot. So, leave your message at the tone, and when I get back, I'll holler. Hey, Jesus. It's Satan. What's up? La transmission 005 de l'émission audiomatique de ce mercredi 22 octobre 2014 était introduite par la formation britannique Killing Joke et la chanson European Superstate, remixée par The Orb et Youth. Youth, qui est un des membres actifs de Killing Joke. Le remix porte le nom de Church of the Open Sky and Holy Fool Dub. Il se retrouve sur le triple album In Dub, qui, comme son titre l'indique, est composé de chansons de Killing Joke en version dub. Les électronistes vous accueillent aujourd'hui, comme chaque semaine, pour vous faire entendre une sélection de pièces issues du très vaste répertoire actuel et historique de la musique électronique. Avant de poursuivre, il convient de signaler à ceux et celles qui n'auraient pas eu l'opportunité d'entendre les transmissions précédentes d'Audiomatique qu'il est possible de les écouter en différé. Vous trouverez les liens vers les transmissions antérieures en visitant notre page Facebook à Audiomatique CFOU. Maintenant, écoutons sans plus tarder la musique du compositeur ukrainien Andrei Simonovitch de son projet musical R.R.O.O. On entend à l'instant la pièce Below the Surface. Thank you. Avant la courte pause, nous écoutions la formation américaine de la ville de Portland, Soft Metals, avec leur pièce No Turning Back, tirée de leur plus récent album Lenses. Auparavant, c'était le projet Recondite, dont on entendait la création abscondance de l'album Hinterland. Et nous débutions avec le projet ukrainien de l'artiste Andrei Simonovitch. Le projet se nomme R.R.O.O. et la pièce Below the Surface qu'on entendait est publiée sur l'album Inner Heaven. Sans plus s'attarder, enchaînons avec le projet californien Constant Flux à Audiomatic avec les électronistes. Just a moment. Binary. Audiomatique, la séquence musicale se terminait avec Mimétique, le projet de l'artiste français Jérôme Soudan et sa composition Sparkling Love de son album Where We Will Never Go. On a aussi pu entendre le duo britannique Lamb, formé du producteur Andy Barlow et de la chanteuse et auteure-compositrice Lou Rhodes, qui nous offrait la chanson In Binary, qui ouvre leur sixième album intitulé Backspace Unwind, paru le 13 octobre dernier. Et en amorce de segment, nous entendions le projet de Doug Rimmerman, soit Constant Flux, et la pièce Six Figure Future de l'album Building Beautiful Monsters. La prochaine séquence musicale nous transporte dans le monde des trains à deux époques bien différentes. D'abord, nous allons entendre le projet Vroom de l'artiste montréalais Mario Girard avec une pièce qui se présente en deux temps. La première partie, intitulée Locomotive B, composée en 2001, se poursuit dans le même étendu sonore en une deuxième partie nommée Lien 5, qui, elle, fut créée en 1994. Cette pièce se retrouve sur le vinyle en format 10 pouces qui se nomme Locomotive, paru en 2003 sur l'étiquette de disque montréalaise Angle Rec. Ensuite, nous retournerons assez loin dans le temps, plus précisément en 1948, pour découvrir une des pièces fondatrices de la musique électronique créée par l'intellectuel belge Pierre Schaeffer. Dans son étude au chemin de fer, c'est le nom de la pièce que nous allons écouter, Pierre Schaeffer utilise deux techniques qu'il a inventées, soit l'échantillonnage et la looping, pour créer une œuvre sonore à partir de sons de train enregistrés directement à la gare des Batignolles à Paris. Ces deux techniques d'échantillonnage et de looping consistant à isoler des sons, à les assembler et à les organiser vont devenir la base de la musique concrète qu'on finira par appeler musique électronique quelques années plus tard. Il va sans dire qu'il faut aborder cette composition historique avec une grande ouverture d'esprit et c'est aussi avec un désir de connaître les origines profondes de la musique électronique qu'il faut l'écouter. Débutons donc, sans plus tarder, avec le projet Vroom et la pièce Locomotive B, Lien 5, pour ensuite entendre la fameuse étude au chemin de fer de Pierre Schaeffer. La séquence musicale se terminait avec une composition sonore de Pierre Schaeffer, ni plus ni moins qu'un pionnier de la première heure en musique électronique. En 1948, celui-ci a créé la pièce que nous avons entendue, l'étude au chemin de fer. Il s'agit d'une œuvre sonore composée à partir d'échantillonnages de sons de train et du bouclage de courtes cellules sonores. La boucle, ou comme on dit souvent, la loupe, c'est en fait une technique basée sur le principe du sillon fermé. Pierre Schaeffer l'a inventé lorsqu'il a bouclé un son sur lui-même en fermant le sillon d'un micro-sillon, ce qui a eu pour effet d'isoler l'entité sonore de ce qui vient avant et de ce qui la suit. Schaeffer a changé la vision traditionnelle de la composition musicale. Il pense la musique en termes de son, d'objets sonores, plutôt qu'en termes de notes et d'harmonie. D'ailleurs, en 1966, il publie le Traité des objets sonores, un écrit majeur qui définit une nouvelle approche fondée sur le son des objets. Le son des objets, on peut dire que c'est une porte qui claque, une machine qui fonctionne ou encore le cri d'un animal. Ces sons-là, il les considère comme des éléments musicaux à part entière. Donc voilà pour cette petite capsule historique sur Pierre Schaeffer, donc un intellectuel belge qui a vécu de 1910 à 1995 et qui a vraiment été un pionnier de la musique électronique. Donc avant l'étude au chemin de fer de Pierre Schaeffer, nous entendions Vroom, un projet montréalais très contemporain qui d'ailleurs bénéficie des techniques inventées par Monsieur Schaeffer pour créer sa propre vision musicale du chemin de fer que nous avons écouté à travers sa pièce Locomotive B, lien 5. Nous nous rapprochons dangereusement de la fin et justement pour l'atteindre, cette fin, nous entendrons une dernière pièce qui sera l'œuvre du groupe britannique Alt J et qui s'intitule Hunger of the Pine, qui comprend un échantillonnage, pour rester dans la même veine de Monsieur Schaeffer, de la chanson 4x4 de Miley Cyrus et que l'on peut retrouver sur leur deuxième album This Is All Yours. Les électronistes espèrent que vous avez apprécié ces moments dédiés à la musique électronique. Si jamais vous désirez communiquer avec nous, nous vous invitons à le faire en écrivant à l'adresse audiomatique@gmail.com. Les électronistes qui vous donnent rendez-vous mercredi prochain à compter de 18h sur les ondes de CFOU pour la transmission 006 d'Audiomatique. Si vous n'êtes pas en mesure d'écouter l'émission les mercredis, sachez qu'elle est en rediffusion les samedis à 20h et est également disponible en écoute sur Internet par l'entremise des liens que vous trouverez sur notre page Facebook à Audiomatique CFOU. Restez à l'écoute car les audacieuses suivent à 19h, mais tout juste avant, voici comme promis Alt J et Hunger of the Pine. Sleeplessly embracing butterflies and needles line my seamed up drawing, encased in case I need it. In my stomach or my heart, chainmail, hunger of the pine. Hunger of the pine. Sleeplessly embracing your yearning to me, planting what is in the sea, and so you finally use it. Betting with me, you see at night your heart wears night armor. Traverser